Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, traduit du latin au français par un moine de Fongombo et publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Troisième partie. Commentaire du deuxième article. Je crois aussi en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, notre Seigneur. Non seulement il est nécessaire aux chrétiens de croire qu'il existe un Dieu unique, et que ce Dieu unique est le Créateur du ciel et de toutes choses, mais il aurait également nécessaire de croire que ce Dieu est Père et que le Christ est son Fils véritable. Que Dieu soit Père et que le Christ soit son Fils n'est pas, comme dit saint Pierre, une fable, mais une certitude. Une certitude prouvée par la parole de Dieu sur la montagne. Cet apôtre déclare en effet dans sa deuxième épître « En effet, ce n'est pas en nous attachant à d'ingénieuses fictions que nous vous faisons connaître la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en témoin oculaire de sa majesté. En effet, il reçut honneur et gloire de Dieu le Père. Lorsque de la gloire magnifique une voix lui parvint, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je me complais, écoutez-le. » Et cette voix nous l'avons entendue nous-mêmes, venue du ciel, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Le Christ Jésus lui-même appelle Dieu son Père en plusieurs circonstances, et il se dit le Fils de Dieu. Les apôtres aussi et les saints pères mirent parmi les articles de foi cette vérité, le Christ est Fils de Dieu. Lorsqu'ils dirent « Je crois aussi en Jésus-Christ, son Fils », c'est-à-dire le Fils de Dieu. Mais il y eut des hérétiques, dont la foi en Jésus-Christ fut erronée. Potin, en effet, déclare « Le Christ est Fils de Dieu, exactement comme ces hommes vertueux, qui méritèrent par leur vie honnête et l'accomplissement de la volonté de Dieu d'être appelés Fils de Dieu par adoption. » De même, dit-il, le Christ dont la vie fut vertueuse et conforme à la volonté de Dieu, mérita d'être nommé Fils de Dieu. Et il prétendit que le Christ n'exista pas avant la bienheureuse Vierge, mais il commença d'exister quand elle le conçut dans son sein. Ainsi Potin commit une double erreur. La première fut de ne pas affirmer le Christ est le vrai Fils de Dieu selon la nature. La seconde fut de dire « Le Christ commença d'exister dans le temps selon tout son être. » Alors que notre foi affirme « Jésus est le Fils de Dieu par nature et il est éternel. » Conformément au témoignage clairement exprimé dans la Sainte Écriture. Contre la première erreur, en effet, l'Écriture affirme le Christ n'est pas seulement Fils de Dieu, mais il est son Fils unique, le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein du Père, lui a révélé Dieu, dit saint Jean. Et contre la seconde erreur, Jésus-Christ lui-même a déclaré, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Or, sans aucun doute possible, Abraham a existé avant la bienheureuse Vierge. C'est pourquoi les saints pères, dans un autre symbole, contre la première erreur, ajoutèrent au mot « Je crois en Jésus-Christ » les paroles « Le Fils unique de Dieu ». Et contre la seconde erreur, ils ajoutèrent « Il est né du Père avant tous les siècles ». Quant à Sabellius, s'il déclara « Le Christ fut antérieur à la bienheureuse Vierge », par contre il affirma « La personne du Père n'est pas différente de celle du Fils. Le Père lui-même s'est incarné. C'est pourquoi la personne du Père et du Fils est la même. Une telle doctrine destructrice de la Trinité des personnes est erronée. Elle a contre elle cette parole de Jésus aux pharisiens, « Je ne suis pas seul. Il y a moi et celui qui m'a envoyé, le Père. » Or, de toute évidence, personne ne peut être envoyé par lui-même. Donc Sabellius se trompe, et c'est pourquoi le symbole des pères ajoute au sujet de Jésus-Christ « Que que nous devons le croire, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, c'est-à-dire Dieu Fils procédant de Dieu Père, et Fils qui est lumière procédant du Père, qui lui-même est lumière. Venons-en à Arius. S'il déclara le Christ fut antérieur à la Bienheureuse Vierge, et autre est la personne du Père, autre celle du Fils, toutefois il attribua au Christ trois choses contraires à la vérité. Selon lui, premièrement, le Fils de Dieu est une créature. Deuxièmement, il n'est pas éternel, mais à un moment du temps, il a été créé par Dieu, comme la plus noble des créatures. Troisièmement, Dieu le Fils ne possède pas la même nature que Dieu le Père, et ainsi il n'est pas vraiment Dieu. Une telle doctrine est également erronée et contraire au témoignage de la Sainte Écriture. On y lit en effet ces paroles du Seigneur Jésus « Le Père et moi, nous sommes un », évidemment par la nature. C'est pourquoi, comme le Père a toujours existé, il en est de même du Fils. Et de même que le Père est le vrai Dieu, le Fils l'est également. C'est pourquoi aux paroles d'Arius « Le Christ fut une créature », les pères opposent dans leur symbole ces autres paroles « Il est vrai Dieu procédant du vrai Dieu ». Et à l'erreur d'Arius, le Christ n'a pas été depuis l'éternité, mais il fut créé dans le temps. Ils opposèrent ces paroles « Il a été engendré et non créé ». Enfin, contre cette autre erreur « Le Christ n'est pas de la même substance que le Père », ils ajoutèrent ces mots « Il est consubstantiel au Père ». Comme nous venons de le montrer clairement, nous devons donc croire les vérités suivantes. Le Christ est le Fils unique de Dieu. Il est vraiment Fils de Dieu. Il a toujours été avec le Père. Autre est la personne du Père, autre la personne du Fils. Le Fils possède en commun avec le Père une même nature. Mais ces différentes vérités que nous croyons ici-bas par la foi, nous les connaîtrons dans la vie éternelle par une vision parfaite. Aussi, pour notre consolation, allons-nous en dire maintenant quelque chose. Il faut savoir que les divers êtres ont des modes divers de génération. La génération en Dieu diffère de celle des autres êtres. Aussi ne pouvons-nous arriver à connaître ce qu'est la génération en Dieu qu'à l'aide de la génération chez les créatures qui sont le plus semblables à Dieu. Or, rien n'est plus semblable à Dieu, comme nous l'avons dit, que l'âme humaine. Et voici comment s'y opère une génération. L'homme pense par son âme quelque chose, que nous appelons conception de l'intelligence. Et cette conception provient de l'âme, comme d'un père. On l'appelle verbe, c'est-à-dire parole, verbe de l'intelligence ou de l'homme. L'âme donc engendre son verbe en pensant. De même, le Fils de Dieu n'est rien d'autre que le Verbe de Dieu. Ce n'est pas un verbe, une parole proférée au dehors, parce que ce verbe extérieur passe, mais c'est un verbe, une parole conçue au-dedans. C'est pourquoi ce Verbe de Dieu est de même nature que Dieu et lui est égal. Le bienheureux apôtre Saint Jean, en parlant du Verbe de Dieu, détruisit les hérésies que nous venons de rapporter. Premièrement, il anéantit l'hérésie de Potin par ses paroles « Au commencement était le Verbe ». Deuxièmement, il ruine celle de Sabellius en disant « Et le Verbe était auprès de Dieu ». Troisièmement, il abat celle d'Arius en ajoutant « Et le Verbe était Dieu ». Mais le Verbe, la parole, n'est pas de la même manière en Dieu et en nous. En nous, notre parole, en effet, est un accident. Mais en Dieu, le Verbe de Dieu est la même réalité que Dieu lui-même, puisqu'il n'y a rien en Dieu qui ne soit l'essence de Dieu. Or, nul ne peut dire « Dieu ne possède pas de Verbe », car s'il en était ainsi, il serait sans nulle intelligence. Et c'est pourquoi, comme Dieu a toujours existé, il en est de même de son Verbe. Et comme l'artisan exécute tous ses ouvrages d'après le modèle qu'il a élaboré à l'avance dans son intelligence, modèle qui est son verbe, pareillement Dieu accomplit aussi toutes choses par son verbe, qui est comme sa science, son art. Toutes choses, déclare saint Jean, furent faites par lui, le Verbe de Dieu. Si le Verbe de Dieu est Fils de Dieu, et si toutes les paroles de Dieu sont à la ressemblance de ce Verbe, nous avons en premier lieu le devoir d'écouter volontiers les paroles de Dieu. En effet, si nous écoutons avec plaisir ces paroles, c'est un signe que nous aimons Dieu. Nous devons en second lieu croire aux paroles de Dieu par cette foi. En effet, le Verbe de Dieu habite en nous. Conformément à la parole de l'apôtre aux Éphésiens, que le Christ, qui est le Verbe de Dieu, habite dans nos cœurs par la foi. Aussi le Seigneur déclare-t-il aux pharisiens, le Verbe de Dieu ne demeure pas en vous. Il faut en troisième lieu que nous méditions continuellement le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu demeurant en nous. Il ne suffit pas en effet de croire, la méditation aussi est nécessaire. Sans elle, cette présence en nous du Verbe de Dieu ne nous serait pas profitable. Ce genre de méditation est en effet d'un grand secours contre le péché. Comme le montre cette parole du psalmiste, je garde tes paroles cachées dans mon cœur pour ne pas pécher. À cette méditation, l'homme juste s'exerce sans cesse. La loi du Seigneur est-il dit au psaume 1, le juste la médite nuit et jour. Aussi saint Luc écrit-il de la bienheureuse Vierge, elle gardait toutes les paroles de Jésus dans son cœur pour les méditer. Il convient en quatrième lieu que l'homme communique aux autres la parole de Dieu, en avertissant, en prêchant, en stimulant. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. N'en ayez que de bonnes propres à édifier, disait saint Paul. De même, il écrivit aux Colossiens, que la parole du Christ demeure en vous, avec abondance, en toute sagesse, vous enseignant et vous avertissant les uns les autres. Et à Timothée, il écrit, proclame la parole, insiste, à temps et à contre-temps, reprends, exhorte, menace, avec une entière patience et une doctrine intègre. En dernier lieu, nous devons suivre la recommandation de saint Jacques concernant la parole de Dieu. Mettez-la en pratique, cette parole. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous abuser vous-même. Ces cinq devoirs relatifs à la parole de Dieu, la bienheureuse Vierge les a observés, et dans cet ordre, lorsqu'elle a engendré le Verbe de Dieu. Premièrement, elle écouta les paroles de saint Gabriel. L'Esprit Saint surviendra en vous. Deuxièmement, la Vierge Marie donna son consentement aux paroles de l'ange par sa foi, en disant « Voici la servante du Seigneur ». En troisième lieu, elle porta en son sein le Verbe incarné. En quatrième lieu, elle l'enfanta. En cinquième lieu, elle le nourrit et l'allaita. Aussi l'Église chante-t-elle « Par un don du ciel, la Vierge nourrissait de son sein le roi des anges.